Come on, stop. Is it working now? Hope so. Yeah, I didn't see that red light before. Ouais, ça marche. Ok, c'est bon. Good. All right. Bon. Oh ben, prise 2. <Thank you. rire> Alors, ben Christopher Milo, bienvenue à Dans les Estrades avec Laval Fans. Merci. Hey, écoute, Chris, excusez-moi, on est un peu déconcentré parce que l'enregistrement n'a pas marché, alors on le serait essayé une deuxième fois. Alors, Christopher, première année comme recrue avec le Rouge et Or, comment tu trouves ton expérience universitaire jusqu'à maintenant? Ça va bien à date, c'est sûr que quand l'équipe va bien puis on est invaincu, c'est sûr que c'est toujours le fun. De ma part, ça va assez bien. C'est sûr que j'ai des choses à améliorer, mais ça va venir au fur et à mesure. Good. Écoute, dernier match contre St. Mary's, comment tu as trouvé ta performance? J'ai connu une bonne game. Je suis très content de la performance. Les punts, ça allait très bien. J'ai fini, je sais même pas, au-dessus de 40 verges par moyenne, fait que, par punt. Fait que c'est bon. On cherche le positionnement de terrain. Quand c'est serré contre une équipe comme St. Mary's ou n'importe quelle autre équipe dans la ligue, c'est sûr que ça compte. Field goal, ça allait très bien aussi, 2-2, fait que je suis très content de ça, puis j'espère que ça va continuer pour contre Bishops. Ton premier field goal, 34 verges, dès que tu l'as réussi, je t'ai vu, t'as regardé au ciel, t'as pointé en l'air, à quoi tu pensais? Ah ben, c'est sûr, moi j'étais un gars religieux, c'est sûr qu'il m'aide beaucoup durant les games, puis en tout cas, je l'ai remercié parce qu'après la performance de Montréal, c'était pas fort, fait que je l'ai réussi, j'étais très content, puis je sais qu'il était là avec moi. Good. Hey, écoute, bon, évidemment, ben, t'as eu de l'aide de l'au-delà, mais en plus, t'as travaillé très fort, j'imagine, dans la dernière semaine, parce que t'as eu beaucoup de pression. Évidemment, j'imagine des coachs, mais aussi pression médiatique. Bon, moi, le premier, j'ai posé des questions à Glenn à savoir s'il voulait ramener Cameron éventuellement, puis te garder pour les punts. Comment t'as vécu ça? C'est sûr que quand tu connais une période où ça va pas trop bien, y a toujours la pression, que ce soit des médias, des coachs, je dirais même moi-même. Je suis un perfectionniste, puis quand ça va mal, ben ça, tu sais, j'aime pas trop ça. Tu vis avec en ayant des bonnes pratiques, en concentrant à qu'est-ce que t'as à faire durant les pratiques. Il dit que tu joues comment tu pratiques, fait que ça va bien durant les pratiques, ça devrait être bien allé durant les games. Et en fait, j'ai connu une belle semaine, puis ça a bien produit contre St. Mary's. Qu'est-ce que t'as travaillé surtout cette semaine? Vraiment, c'est vraiment le timing. J'avais un nouveau holder avec Vic. Puis, tu sais, vraiment, travailler le snap, le hold, le kick, tout ensemble. Travailler les petites affaires techniques. Garder la tête vers le ballon, finir mon mouvement. Puis, en tout cas, c'est ça qui m'a aidé en fait, semaine. Les gars, durant la pratique, tout à l'heure, je les entendais. Ils criaient après, ils criaient vraiment après. Est-ce que c'était pour recréer un peu l'environnement de match ou bien ils voulaient juste te mettre de la pression? Ah, c'est un peu des deux. C'est sûr que quand tu joues au Peps, t'as 15 000 personnes qui crient au bout de leur leur voix, donc t'entends presque rien sur le terrain, t'entends juste un gros bruit, mais ils essaient de créer ça, et c'est sûr que dans des moments cruciaux, la compagnie ne sera pas au peps, fait que j'aurais pas la foule silencieuse pour un botté important, donc ils essaient de créer ça un peu, c'est le fun aussi, là. C'est souvent de jouer ensemble avec les coéquipiers comme ça, puis quand ça va mal, ben tu t'en mets encore plus, puis c'est le fun, puis quand t'arrives au match, ben t'es prêt à ça, puis ça dérange pas trop. Hey, d'ailleurs, je me rappelle un peu au moment du match contre St. Mary's, je crois que c'était un dernier punt, tu t'es fait bloquer ton punt, il t'a retombé dans les mains, t'as réussi à courir après. C'est quelque chose que tu pratiques une fois de temps en temps, courir avec le ballon? Bah oui et non, je te dirais plus non. C'était vraiment, on a connu un bonbon du ballon. C'était un miscommunication avec les joueurs. C'est une protection différente que j'ai pas entendue, puis j'ai tapé du mauvais côté. Ça qui a fait qu'il a été bloqué. Le fait qu'il m'ait retombé dans les mains, ben comme je l'ai dit tantôt, c'était le bon Dieu qui m'a regardé, puis il m'a aidé avec ça aussi. Là. Puis il a aidé l'équipe surtout, là, parce que sinon c'était un retour pour un toucher, puis on sait jamais qu'est-ce qui pourrait arriver après ça. Écoute, toi, t'arrives des Cougars de Saint-Léonard. Je pense que t'as fait aussi tout ton scolaire. Là, peut-être que je me trompe, t'as fait ton scolaire en anglais, right? J'ai fait mon secondaire, j'ai fait en français. Mon cégep, je l'ai fait en anglais à John Abbott. Ensuite, j'étais allé jouer pour les Cougars. J'ai joué 2 ans au cégep, puis j'ai joué 2 ans junior. Puis, ouais, c'est vraiment l'école anglaise. Je me suis dit, regarde, je connais très bien le français, fait que pourquoi pas venir à Laval. Qu'est-ce que tu étudies, là, d'ailleurs, à Laval? Là, présentement, je suis en études libres. Je vais rentrer en administration probablement en automne prochain. Good. Fait qu'évidemment, t'aimerais ça passer tes 4 années d'éligibilité ici. Ouais, 4, même 5. On sait jamais qu'est-ce qui va arriver dans le futur. En tout cas, je vais m'amuser tant que je suis là, puis on espère gagner 2-3 coupes Vanier en faisant le passage. J'espère qu'ils en auront 4 ou 5 même. Ah, on sait jamais. Avec l'équipe qu'on a cette année, puis les recrues qui viennent à chaque année, c'est sûr qu'on est toujours un des favoris au pays. C'est le fun qu'on avoir cette... on dit ça... Les backups qu'on a, nos backups pourraient jouer partant, puis je pense qu'on vient de prouver ça dans les deux trois dernières semaines avec les nombres de blessés qu'on a. Fait que c'est le fun d'avoir cette comfort zone. Hey, on parlait un peu de ton cheminement. T'as fait un peu cheminement à l'envers. T'es la première recrue que je vois arriver ici avec deux camps pro derrière la cravate. Ouais, c'est arrivé comme ça. C'est peut-être une autre raison pourquoi je suis allé jouer junior. Il m'avait parlé de ça au début, tu sais, la possibilité de peut-être aller faire un camp pro. Je me suis dit, tu sais, pourquoi pas, si je connais une bonne saison, ça se peut qu'il m'invite. Tu sais, je gardais ça en arrière de la tête, puis en fait, un jour, ils m'ont appelé. Puis, tu sais, j'ai profité de ça au maximum. Damon Duval, il m'a donné beaucoup de conseils, surtout sur les punts. Les placements, on a chacun notre style, disons. Et, tu sais, on travaille notre style, mais sur les punts, tu sais, pas mal la même affaire pour tout le monde. Fait que il m'a aidé beaucoup là-dessus, puis en tout cas ça va très bien jusqu'à date. Puis qu'est-ce qui t'a amené spécifiquement ici à Laval? Ben c'est vraiment, tu sais, je me suis dit j'ai 20 ans, je veux sortir de chez nous un peu, garder juste ma soeur chez nous avec mes parents, comme ça c'est moins de trop pour eux aussi. Mais tu sais, vivre ma propre vie, vivre l'expérience Québec, j'en ai entendu parler par beaucoup de monde, puis je voulais voir si c'était vraiment quoi. Jusqu'à date, je suis très content d'être ici, puis c'est très le fun d'être ici. On n'est pas si pire que ça, hein? Ah, c'est écœurant ici pour de vrai, là. Je suis très content. T'as connu Glenn Constantin avec Team Canada. Comment t'as trouvé ça, l'expérience Team Canada? Ah, c'est sûr que jouer pour ton pays, puis mettre le Canada sur ton chest, c'est toujours une affaire exceptionnelle. J'étais privilégié pour jouer pour cette équipe-là. J'ai eu la chance de remporter 2 championnats. Puis en plus avec des joueurs qui jouent ici en ce moment, fait que c'est très le fun. Puis juste le fait que j'ai connu des joueurs qui sont ici, ça m'a donné plus de goût de venir, puis un goût déjà d'appartenance à l'équipe avant même que j'y arrive. Puis Mathieu Proulx, as-tu fait son bout de chemin avec les Alouettes? T'as brainwashé venir ici? Oui, je te dirais oui. C'est sûr que j'ai posé beaucoup de questions. Il a vécu 4-5 ans ici. C'est sûr qu'il a bien fait, puis en tout cas, il m'a dit, il m'a poussé, même dans le temps de Phil Gauthier aussi, il me donnait des petits conseils de venir ici. Il a dit, tu sais, pourquoi pas, c'est un des meilleurs programmes, sinon le meilleur programme au pays. Fait que je me suis dit, je veux vivre ça, puis je veux avoir ça dans mes poches pour le futur. Good. Hey, plan de match pour la semaine prochaine contre Bishop? Regarde, on joue contre une équipe très très motivée, très très en forme. Le meilleur running back au pays, je te dirais, il y a, je pense, 1200 verges. 1200 verges, c'est, ouais. Il a battu le record, fait que c'est sûr que lui, il va être un gros threat. Niveau des retours de beauté, de ma part, il y a un joueur qui est très très bon. Je pense qu'il y a 2-3 ou même 4 retours pour des beautés pour plus de 100 verges. Fait que c'est sûr qu'il va falloir qu'on garde ça en considération. Pour moi, faut que je fasse un autre bon match. Sur une unité spéciale, ça va jouer un très gros rôle, comme ça joue tout le temps. Comment tu trouves ça, vivre un match devant 15-16 000 personnes complètement défoncées? Ah, c'est sûr que c'est toujours le fun avec la foule qu'il y a ici. C'est un 13e joueur pour nous, surtout dans les matchs qui sont serrés. C'est pas évident pour les équipes adverses. Puis je suis très content d'être du bord de Laval en situation comme ça. Mais il y avait un journaliste qui m'a posé la question aussi après la game contre Western. Puis j'ai répondu que je pense qu'elle est plus bruyante que celle des Alouettes quand j'ai joué contre les Argos en pré-saison. Tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'il y a ici à Laval, mais en tout cas c'est très bruyant. Puis on aime ça, c'est sûr. Puis on adore votre support aussi. Ça doit être la poutine. Ça doit être quelque chose, en tout cas, je sais pas c'est quoi, là, mais peut-être quelque chose dans l'eau, là, je sais pas, mais c'est écœurant jouer ici. Ben d'habitude, dans l'eau, nous autres, on met de la bière au match. Ben, whatever works. Hey Chris, merci beaucoup, puis bonne fin de saison. Merci beaucoup.